réflexion là-dessus aussi, c'est que souvent, il y a des femmes qui vivent de la violence conjugale de la part de l'ex-conjoint. Se déroula comme un livre romanesque. Leurs yeux remplis d'étoiles, tout le reste n'était que foutaise. Ils se sont dit oui pour le meilleur et pour le pire. Prêtèrent serment devant la Bible pour les réunir. Ainsi soit-il un enfant pour leur union. Parfaite famille, sans embûche, toute une passion. Leur boule choisie, à l'époque c'était facile. Regard vers l'horizon pour un destin trop crédible. À la vue des gens, un couple de télévision. D'amour et d'eau fraîche, bien modeste la situation. Mais pour combien de temps le bonheur sur cette maison? Et pour combien d'années un sourire accroché sur ce garçon? Très tard énervé, amoché par des verres d'alcool, s'étale sur le canapé, sa femme, son fils s'interroge. Mais pourquoi cet état? Pourquoi il est rentré comme ça? Le début d'un calvaire, le départ d'un combat. Viré de plein fouet par son métier qu'il aimait tant. Plus d'oseille au foyer et plus aucun ravissement. Des jours, des semaines, l'intensité monte d'un cran. Première goutte de sang écaboussée sur le divan. Tant de murs sans air pur, enfermés dans une aventure. Tant de gestes qui nous blessent, la vie d'une famille en laisse. Tant de murs sans air pur, enfermés dans une aventure. Tant de gestes qui nous blessent, des coups qui résonnent et restent. Putain, tous les soirs, c'est toujours cette con d'histoire. Deux verres et puis trois, la bouteille, compagnon du désespoir. Jamais sans elle, fallait bien qu'elle le retienne. Clouée sur cette table, la gueule, les yeux en couille d'hirondelle. Mortel univers plongé dans cette atmosphère. Un père sans repère voit sa vie se foutre en l'air. Sans raison apparente, il insulta sa douce et tendre. La jeta sur cette table, puis la frappa comme un bouchibol. L'enfant apeuré partit très vite se cacher. Témoin de cette scène avec son doudou, un vieux Mickey. Il l'entassait déjà dans son tout petit cervelet. Des scènes de violence encore mieux qu'à la télé. Déjà soumis, ne manquait plus qu'à son actif. Avaler des cachets pour en finir de tous ses sacrifices. Elle voulait oublier les coups, les blessures supportées durant ces nombreuses années, durant ce passé si manqué. Comme fatigué, épuisé par cette ambiance qui régnait aux côtés de sa mère, il s'endormit sur son chevet. Il ne laissa jamais tomber la main si lourde de sa maman, trop peur qu'elle ne s'écroule à terre et comme sa pauvre tête auparavant. Dans le mur, sans air pur. Le visage recouvert d'hématomes, la peur de se montrer, d'exhiber son corps devant tout le monde, tous les volets fermés, toutes les issues condamnées. Elle s'était retrouvée dans un univers de première veillée. Jamais, oui, jamais n'avait pensé un jour à se cacher devant le voisinage qui pourtant l'aimait, la vénérait. Mari infidèle pensait sans cesse à se faire la belle, se faire du bien, des massages et des petits soins. Sans se soucier de sa femme et tendre chérubé, sans une méditation ni même d'un côté très enfantin. Et tous les jours, c'est toujours la même histoire. Ces orages de coups mêlés depuis de mots insupportables. Pour en finir, avant que l'or finisse avec la vie, il prit son baluchon, sa vieille caisse et puis ses disques aussi. Il leur dit adieu sans un regard ni même un tout petit merci. Le grand soulagement de la mère et de son petit.